Chapitre 63e. Il ne fallut qu'un instant à la société pour s'habiller et faire les préparatifs de l'expédition. Dès que tout fut disposé, on se dirigea vers la rue des Gobelins. Une demi-heure après, Frédéric, assisté de Suzanne, était en train d'opérer. Jamais tant de richesses ne se sont offertes à leur regard. Ce sont des cibles pleines jusqu'au bord de quadruples, de guinées, de ducats, de Napoléon, de louis de toutes les époques, des sacs et des groupes dont l'étiquette accuse le contenu, et tout auprès un portefeuille qu'arrondissent des traites et des billets de banque. Que de vertus, que de considération, que de probité, que d'honneur monnayé. Suzanne et Frédéric ouvrent une cassette. Elle est remplie de montres, de colliers, de bracelets, de joyaux, de pierreries. Ils vont puiser à même le pactole. À leurs yeux se déroulent les trésors de Golconde. Mais par où commencer? Pendant qu'ils hésitent, ils entendent du bruit, ils distinguent des pas. « Ne bougeons pas, » dit Frédéric, « je crois qu'on monte. » Les voilà tous deux, n'osant plus même respirer. On s'arrête à la porte, on essaye une clé, quelle transe. « Que nous avons bien fait de revenir, vous voyez l'averse qui se prépare. Mais dépêchez-vous donc, madame Lombard, vous êtes d'une lenteur. Vous me donnerez peut-être bien le temps d'introduire la clé. Il me semble que j'aurais déjà ouvert 10 fois. Ah oui, vous êtes expéditif, je vous conseille de vous en vanter quand vous êtes 2 heures à chercher le trou. Et encore, si je n'y mettais pas la main. » Ça vous est arrivé souvent? Donnez donc, vous me faites faire plus de mauvais sang à vous voir ainsi tâtonner. Je tâtonne, ne voyez-vous pas que je pousse et que cela ne veut pas rentrer? C'est peut-être une quinte. Une quinte, dites plutôt que le canon est bouché. C'est votre mauvaise habitude de traîner des croûtes dans vos poches, il s'y sera fourré quelques mis. Vous verrez que ce sera de ma faute tout à l'heure, donnez un peu que je souffle dedans. Tenez, monsieur Lombard, à votre aise, elle lui passe la clé. C'est bien celle-là. Il souffle dans le canon, frappe sur la rampe, et après avoir alternativement frappé et soufflé, elle siffle parfaitement. Maintenant, cela doit aller tout seul. Madame Lombard, essayant une seconde fois. Joliment tout seul, elle va moins bien qu'auparavant. Vous ne tournez peut-être pas du côté qu'il faut. Je ne tourne ni d'un côté ni dans l'autre, puisqu'elle ne s'enfonce pas à moitié. Voyons, voyons, prenez mon parapluie. Ces femmes sont si maladroites. Allez, je vous cède la place, vous ferez de beaux œufs. Aussi beaux que les vôtres. Il s'efforce de pousser. « Diable, il y a de la résistance. Si j'avais quelque chose pour la déboucher, appelez donc la fruitière. « Ah, vous êtes plus adroit que moi. » Elle appelle « Madame Boulot. » La fruitière « Qu'est-ce qu'il y a, madame ?»« Madame Lombard, avez-vous quelque chose pour déboucher notre clé? Faites-nous le plaisir de monter. » La fruitière « Ça fera-t-il votre affaire, monsieur Lombard ?»« Que me donnez-vous là, votre fil à couper le beurre ?» Madame Lombard « C'est trop mou, ma chère. » La fruitière « Monsieur le mettez en double, monsieur Lombard. Elle a raison. » Madame Lombard, en double, ça n'ira jamais. La fruitière, je vais vous chercher une allumette. Monsieur Lombard, une allumette, c'est bien pire, pour qu'elle se casse dedans, n'est-ce pas? La fruitière, eh bien, du balai de bouillon. C'est dit meilleur. Monsieur Lombard, apportez-en une branche, la plus ferme que vous pourrez trouver. La fruitière descend et revient aussitôt avec un brin de bouleau qu'elle remet à Monsieur Lombard. Monsieur Lombard, c'est un coteret que vous m'apportez. La fruitière, il n'y en a pas de plus mince. En forçant, vous verrez que vous en viendrez à bout, monsieur Lombard. Ah, vous m'avez fait faire un joli coup. La branche est rompue à présent. Comment la retirer? La fruitière. Pensez-vous qu'un clou, madame Lombard, c'est trop court? La fruitière. Attendez, je m'en vais voir dans mes fouilles. Je me souviens que j'ai pris par là une baleine. Monsieur Lombard. Une baleine, une baleine. Que ne proposez-vous à un éléphant? La fruitière. Dame, que voulez-vous? La plus belle fille ne peut offrir que ce qu'elle a, monsieur Lombard. Comment, vous n'avez pas une aiguille à tricoter? La fruitière. Une aiguille à tricoter. Qui donc qui fait les bas que je connais? Ah, j'y suis. C'est l'invalide qui est l'amoureux de la portière du numéro 17. Peut-être qu'il lui en aura laissé un peu. J'y cours. Madame Lombard. Courez vite, comme c'est impatientant. Monsieur Lombard. Pourvu encore qu'elle en ait une. Madame Lombard. Je l'entends qui galope. Monsieur Lombard. Elle n'a pas été longtemps. L'apercevant. Enfin, vous avez une aiguille, c'est bien heureux. La fruitière. Elle est assez forte, j'espère. Monsieur Lombard, prenant l'aiguille, « Cette fois, nous sommes des bons. » Il fouille, souffle, frappe, refrappe, souffle de nouveau, refrappe encore. « C'en est-il un fameux morceau, celui-là? Décidément, il n'y a plus rien. » Madame Lombard, « Vous devez bien sentir si vous êtes au fond. » Monsieur Lombard, « Certainement, je le sens. Je touche le fer, elle n'ira pas plus avant. À présent, il n'y a plus d'obstacle. Il faudrait bien qu'elle ouvre ou qu'elle dise pourquoi. » Il met la clé dans la serrure. « J'y perds mon latin, elle n'entre pas davantage, elle est ensorcelée, cette clé. » Madame Lombard, « Il y a peut-être quelque chose de dérangé dans la serrure. » Monsieur Lombard, « Je vois ce que c'est, vous l'aurez forcé. » Madame Lombard, je m'étonnais que vous n'eussiez pas encore mis cela sur mon dos. C'est plutôt quelques polissons qui, en passant, va fourrer des graviers. Madame Boulot ne fait attention à rien. On monte, on descend, on entre, on sort, on emporterait la maison. Oh, mon Dieu, autant n'avoir personne. La fruitière. Il ne passerait pas un chat que je ne sois sur ses talons pour lui demander où il va. Monsieur Lombard. Si nous avions une planche, je ferais un pont afin d'entrer par la croisée de la cuisine. La fruitière. Pour vous tuer. Madame Lombard. Vous rompre le cou, c'est encore rien, mais vous casserez un carreau de 4 francs. Monsieur Lombard. Je n'y pensais pas. 4 francs. Vite, vite, Madame Boulot. Allez appeler le serrurier, ça coûtera moins cher. La fruitière descend avec rapidité. Elle n'est pas encore de la rue que le peine, par un double tour, est bruyamment arraché de la gâche. Madame Lombard. Elle rêve, la serrure. Monsieur Lombard. Il y a quelqu'un. Nous sommes volés. Au voleur. Au voleur. Soudain la porte s'ouvre, deux personnes s'élancent, écartées, repoussées, culbutées. Monsieur et Madame Lombard roulent de marche en marche. Ce sont des fantômes, un ouragan, une débâcle qui les entraîne. La bourrasque a été si rude, le choc si impétueux, qu'ils ne savent à quoi attribuer la brutale impulsion qu'ils viennent de recevoir. La cause a disparu, mais l'effet subsiste, et les deux époux renversés déplorent leur catastrophe. Monsieur Lombard. Aïe, aïe, je n'en peux plus. Je suis meurtri, moulu, brisé, massacré, assommé. Aïe, aïe. Madame Lombard. À l'assassin, à l'assassin, au secours. Je le tiens. Aidez-moi, monsieur Lombard, aidez-moi. Monsieur Lombard. Ah, mon Dieu. Aïe, je ne sens plus mes reins. Ils me les ont cassés, les misérables. Et le verre de ma montre, qu'il est aussi, et mes lunettes, et mon bandage. Madame Lombard. Si vous ne venez pas, je vais le lâcher. À la garde, à la garde. La fruitière revient accompagnée du serrurier qu'elle est allée chercher. Ah, que vois-je? Le bourgeois d'un côté, la bourgeoise de l'autre. Que leur sera-t-il arrivé? Et quoi? L'appartement est ouvert. Le serrurier. Ils auront voulu jeter la porte en dedans. Elles se sont fichues les 4 fers. Madame Lombard, se relevant. Aïe, aïe, j'ai les jambes toutes écorchées. Monsieur Lombard. J'ai le dos en marmelade. Madame Lombard. Il n'en est pas moins vrai que si vous n'aviez pas perdu la tête, nous les aurions arrêtés. Regardez, je lui ai arraché son tablier. Monsieur Lombard. Ils étaient au moins 12, et puis cela s'est fait si vivement, je n'ai vu que du feu. Madame Lombard. Ma chère Madame Boulot, ils m'ont tous passé sur le corps. Quel assaut, grand Dieu! J'en suis blessé à toutes les places. Soutenez-moi, je vous en prie, soutenez-moi. Monsieur Lombard, au serrurier. Mon ami, prêtez-moi votre appui pour aller à mon secrétaire. Madame Lombard, entrez la première. Ah! La chambre est dans un bel état. Nous sommes volés, dévalisés. Monsieur Lombard, tombant dans un fauteuil. Les scélérats. Ils ne nous auront laissé que les yeux pour pleurer. Le serrurier. Je m'accommoderai bien de leur reste. La fruitière. Moi aussi. Madame Lombard. Il faut faire prévenir le commissaire pour qu'il dresse un procès verbal. Monsieur Lombard. Mais comment ont-ils fait pour entrer? Le serrurier. Ce n'est pas malin, avec des fausses clés. Il y a tant de gredins. Il examine la serrure et retirant de l'intérieur un petit anneau de fer dans lequel est passée la broche. Je ne suis plus surpris que vous n'ayez pas pu l'ouvrir. Ils avaient mis bon ordre. Ce doit être quelqu'un dans l'état qui a fait cet anneau. Où est le tablier qui est resté dans les mains de madame? Madame Lombard, le voici. Le serrurier, vivement ému. Qu'on ne sait guère avec qui l'on vit. Un camarade. Je le croyais honnête. Je n'aurais mis ma main au feu. À qui se fier? Monsieur Lombard, que dites-vous donc là? Le serrurier. Je parle à moi-même, malheureux. Monsieur Lombard. Le malheureux, c'est moi. Le serrurier. Il y en a encore de plus malheureux que vous, montrant la grappe du tablier. Vous voyez ce crochet? C'est mon ouvrage. Il y a environ 11 mois que, me trouvant à la courtier avec des amis, l'un d'eux, qui en était amateur, me demanda si je voulais le lui vendre. Je lui dis que je ne le vendrais pas, mais que s'il lui faisait plaisir, je lui donnerais volontiers. Il accepta, nous régala de 4 litres, et depuis ce moment, le crochet lui appartient, à moins qu'il n'ait changé de maître. Monsieur Lombard. Et vous nommez cet ami? Le serrurier. Frédéric. C'est un confrère. Monsieur Lombard. Son compte est bon. Madame Boulot, allez de ce pas chez le commissaire, racontez-lui que nous venons d'être assassinés, ma femme et moi, et priez-le, de notre part, de se transporter ici sur le champ pour recevoir ma plainte et la déclaration de monsieur. Allez !